Est-ce qu'on peut faire à Québec ce qu'on appelle un vote stratégique? Mmh. Si on sent que Pauline, avec ses stratégies de cage à homard puis de charte des valeurs, est en train d'embarquer les Québécois d'un piège à con pour avoir le pouvoir absolu, si Marois réussit ça, est-ce que Québec peut pas y faire résistance avec une stratégie anybody but Pauline? Mmh. Et là, si on s'aperçoit que les libéraux, il leur manque 3-4 sièges pour enlever le pouvoir à Pauline, ben là, on se passe le mot, ben on leur donne. Ben, tu changes, Sylvain, parce que c'est exactement le contraire de ce que tu préconisais quand tu disais de voter pour ses convictions, de ne pas voter stratégique quand tu as présenté un candidat col rouge. J'espère que raison. Tu t'en rends compte. Ben, je m'en rends compte à 100% parce que je me suis pété la gueule. Hein, oui. Puis qui est au pouvoir? Qui rit de moi? Là? Qui c'est qui est dans la limousine? Qui c'est qui est au sommet de l'édifice Price, dans le condo qu'elle a fait rénover aussitôt qu'elle est rentrée dedans? Voir si Charest était dans la marde avant elle. Là. Voyons donc, elle a mis des dépenses dès qu'elle est arrivée, puis elle est en haut un matin, puis elle me regarde, puis elle est morte de rire, c'est Marois, puis je veux la débarquer de là. Elle est en train de scraper l'économie du Québec. Mais là, si je vote CAQ ou Parti conservateur Adrien Pouliot, tu sais, Pouliot, il faudrait le passer dans un comté, absolument. Anyway, oui. Michel, Pouliot, oui, il y aura... Oui, tout à fait d'accord. Pouliot, on le fait passer dans Vanier, ça a l'air que c'est là qu'il va se présenter. C'est justement là qu'on voulait présenter notre candidat col rouge. On passe Pouliot, on l'envoie à l'Assemblée nationale, puis dans le reste des comtés, on envoie les libéraux, parce qu'il faut se débarrasser de Pauline. Ah, je pense que là, tu viens de m'avoir. Salut, Michel. On va s'en reparler de ça, c'est ma stratégie. Pensez-y un peu. Salut. 6h12. On verra bien, on a le temps en masse d'en reparler.